parce que sur l'une du créateur, ouais. Sur l'autre j'écris des ratures. Dis-moi mon créateur, quels sont ces deux créatures? Madame et mademoiselle. Ah oui, je les reconnais, elle je l'ai connue. La deuxième je l'ai cognée. Pacifiste, quand mes feuilles mortes martèlent. L'amour nocif qui sonne aux seules portes jartelles. Jusqu'à ta tombe, mademoiselle est comme une mère. Madame était une bombe et la famille pas nucléaire. Elle renie ses cernes, devient peau de peinture. Comment trouver chaussures à son pied quand y'a trop de pointures? Tu rêves de Maracas à Marrakech, donc pleure. Car madame te ramasse et te raquette ton cœur. Par les temps qui courent, les hommes se font marcher dessus. Madame, tes robes font des barres, donc tes hauts font des bas. De l'une, je suis le fils, à l'autre, je le donnerai. Je m'amuse de leur vie, est-ce que tu les reconnais? Avec ou sans toi, vivre d'amour et d'eau fraîche, je le ferai même s'il s'en doit. Couler de mes veines pour faire ton bonheur, je ferai les sacrifices qu'il faut, même me lever de bonheur. Je sais que t'as du mal à me comprendre, ouais. Me demande pas de faire un choix, pour moi c'est comme pendre ou comme prendre. Mon âme est la jetée dans les flammes, dégoûtée de ce monde infâme, encore plus de ce que demande une femme. T'as aucune raison de t'en faire, laisse de t'en faire. Je remuerai ciel et terre pour nous sortir de cet enfer. J'attire ton attention, trop de tension, attention. Continue, je ne tiendrai pas avec ma tension. N'écoute pas les rumeurs, poète mes meilleurs rimeurs. J'écris dans la tristesse mes meilleures humeurs. Un masque pour voiler sa peine et me ressemble. Toi et moi c'est pour la vie et je souhaite qu'on meure ensemble, yeah. Voudrait s'éclore mais s'éclipse car c'est clair que c'est dur quand madame vient s'inclure. Au fond c'est problématique, vous êtes complémentaire. Et si tu comptes me plaire, sache que tous ces couplets m'attirent. Je ne suis qu'un invité des fins, loin de m'accabler de fautes. Pas un macabé des fins devant vos qualités défauts. Je blague madame, merci quand moi seul j'hurlais dans le macadam. Parce que mademoiselle brûlait.